jusqu'au centre-ville. Tambino, ouais, tu niques tout. Du bide, mes utos, ils niquent la bac nord. Démon, ouais, c'est nous. L'effort, devant ta gauche, passe les rapports en espérant avoir un rapport. Je la secoue pas toute, je prends la coupe, ni tes bromatons, rien que ça m'écoute. Comme une autre, c'est magique, compte par à bout. Toi, toi, toi, viens sur ma route. Adios, vatos, como hombre. Pipita, t'as le boule bombé. On n'aime pas les condés. Oh, pour les petits, les grands, j'suis dans ta ville. Appelez un Weiser 1000. T'es libéré à bas midi pile. Appelez un Weiser 1000. Tu me vois au check ou dans les îles. Appelez un Weiser 1000. Premier album vise dans le mille. Appelez un Weiser 1000. Je fais ce qui marche pas, ce qui te plaît. Je continuerai à voyager. Ah, ah, trajet. Gambino, d'où vient cette promo? Kilogramme de pur, demande à Carmel, Cascara et Poto. Kilogramme de pur, ouais, je crapule. Je t'encule, tes potes, tous des putes. Y'a le shit qui bulle, ne rentre pas dans mon bis, dans ma bulle.